Mais on a une authenticité qui est très forte. Et c'est vraiment agréable. Ouais, on est tout de suite, je trouve. Alors ça dépend des endroits. Il y a des endroits où j'ai été très très mal accueilli. En tant que touriste, j'ai demandé de l'eau dans une épicerie et, et la femme, elle a dit non, tu ne le sers pas tout de suite. Lui, c'est un phalangue, donc un étranger. Hein. Ça vient du mot français d'ailleurs. Phalangue, ça vient de français. Ouais. Et donc, non, tu ne le sers pas lui tout de suite, il attendra. Ah, mais c'est vrai que... tous les autres d'abord, mais qui étaient Thaï, mais pas moi. Voilà. Donc ça a été, bon, c'est pas grave, j'étais pas pressé, j'étais en vacances. Mais bon, voilà, c'est quelques expériences comme ça. Sinon, une fois, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien space aussi j'étais dans un village... Et il y avait un jeune qui partait pour être moine bouddhiste. Parce que bon, ils veulent, chacun doit être moine bouddhiste durant une période de leur vie. Et donc c'est toute une commémoration. Donc tout le village est en fête. Alors ils avaient des pick-up. Alors, t'as vu, il n'y a que des pick-up. Ils avaient un pick-up avec des enceintes partout. Le mec était assis sur une chaise comme un Bouddha. Et tout le monde picolait autour. Donc le camion avançait, faisait son tour, le machin, et il se bourrait la gueule avec du lait de buffle fermenté. Donc vraiment la cambrousse. Hein. Il fabriquait ça à l'ancienne, c'est dégueulasse. J'ai vu. Ah, goûter, ouais. Forcément obligé, hein. Tout le monde voulait danser avec moi. et obligé de boire. Donc vas-y, on picole ça. C'est vraiment un goût particulier, c'est très bizarre. C'est dégueulasse. Quoi. Et comme les insectes, c'est pas super bon. Les insectes, j'ai pas trop aimé. Et les mecs, ils étaient tellement bourrés. Non, moi, j'ai goûté, tombaient mais... les uns après les autres dans le fossé. Les insectes. T'as goûté les sauterelles? Parce que là, ils aiment bien, ils sont friands. J'ai pas osé le reste. Ouais. Si, les larves, j'ai goûté. Les araignées, je pouvais pas. Non. Les araignées. Ouais, j'ai goûté les larves, moi aussi. Les larves, c'était dégueu aussi, c'était franchement. Voilà, ça me faisait moins peur, les larves. Ouais, c'est dégueulasse, c'est gras, ça n'a pas de goût, c'est pas terrible. Ouais. Eux, ils sachent en plastique, ils se régalent, c'est de dingue. Non, c'est pas, les sauterelles, c'est pas, c'est croustillant, ça n'a rien d'extraordinaire. Moi, je préfère des chips. Hein. Et par contre, c'est vrai que les gens sont adorables. Ah ouais, c'était merde. Tout se passe bien, ils ont le sens, ils ont le sens de l'hospitalité et ils ont conscience que... Le tourisme les fait vivre. Donc, ils savent très bien que s'il n'y a plus de touristes, tout le monde retourne à la rizière. Et, ouais, mais c'est pas le cas de tous les pays pour autant. Quoi. Donc, Non. Bah non, on prend l'exemple de la France. Les Chinois qui viennent à Paris sont agressés. Ouais, par exemple. Ils sont obligés d'ailleurs, notre gouvernement qui est si peu efficace. C'est pas récent, mais bref, sont obligés de faire. La Chine a demandé à faire venir des policiers chinois pour essayer de surveiller leurs ressortissants qui sont en vacances. Il y a des problèmes là. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas du tout le même sens de l'hospitalité. Hein. Ah ouais. Non. Bah, sinon, non, c'est. Ils ont ça dans le sens, de manière. Ça fait partie de leur éducation en plus. Ah oui, et puis totalement, c'est incroyable. Alors, quand j'étais parti, bon, vu que j'étais seul, c'était avec des nanas, c'était vachement cool, quoi, parce que, tu te fais Pour un oui, pour un non, mais par des filles, je veux dire, sérieuses, quoi, par des filles sérieuses, hein, je parle pas des bars, bon, les bars, bien sûr, Non, mais des filles qui parlaient pas un mot, parlaient pas un mot d'anglais, pas un mot de français, bien sûr. Et elle disait à la patronne ou machin, lui il me plaît bien, j'aimerais bien sortir avec lui, tu vois. Et, putain, mais t'avais l'impression d'être un gosse, tu vois. C'était trop marrant, tu sais, ça faisait le. Le message et tout, et tu l'emmènes en scout, le soir, tranquille. T'as pas un mot, parce que personne parle, Alors tu bois un coup, tu rigoles. C'est bizarre, ouais. Deux, trois mots en thaï, tu sais, à force, tu parles deux, trois mots, toi. Et puis... ouais, j'imagine. Ouais. Ah non. C'est de fou. Ouais. Ah, c'est sympa. Que des... Alors, vu que j'ai un budget léger... Il faudra que t'amènes... Que dans des guest house ou au bord de la mer, dans des pilotis, des trucs en paille. Alors moi je payais 200 euros la semaine par exemple sur certains endroits. 200 bahts, pardon. Ouais, mais c'est pas la même chose. À de bahts en plus. On n'a fait rien effectivement. Bon, ça a un petit peu moins augmenté quand même. C'est un tout petit peu. C'est 8 euros parce qu'à peu près. Mais ça reste effectivement. Oui, oui, il paraît que les prix, dès que c'est touristique, maintenant... Mais bon, c'est tout relatif. Prix, même pour les fringues, tout ça, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, voilà, tout ça. Alors que tu vas dans des... Alors, il y a des marchés, tu vois, dans des coins paumés, t'achètes des... Alors, il y a beaucoup de faux, bien sûr, t'as vu, hein, c'est... Il y a des copies de tout, mais... bien fait, en plus, hein. Ouais, ouais, c'est... Je suis revenu... revenu fou de fringues. Et donc du coup dans des coins paumés c'était pas cher du tout. Alors, carrément okay, à côté. Mais je revenais pas, je sais pas possible. Bah ouais j'entends, bah ouais. Et non, vraiment, c'est vrai que c'est extraordinaire et je comprends que bon il m'invite aux crêpes. Ça, ça c'est. Ah ouais ouais. Ok. Allez, une prochaine, merci, bye bye. Ouais, à bientôt, merci pour le jam.